cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Fanwasil في دراسة هذا الكتاب المفيد في شرح أسماء الله عز وجل الحسنى من كلام الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. Donc on continue l'étude de cet ouvrage, les paroles de الشيخ سعدي رحمه الله تعالى sur l'explication des noms d'Allah عز وجل. Et dans le dernier cours, أخذنا اسم الحليم والحميد فمن يذكر معنى هذين الاسمين وكمان سبع الحليم عندما تفضل نعم هو الذي لا يعجل بالعقوبة أي أن العبد سيرفيتور أحيانا يفيد بشي الله سبحانه وتعالى لا يشتي با ديركتمون بل il lui laisse du temps حتى يتوب pour que cet homme ou cette femme ils font التوبة et ils délaissent ce péché. والله سبحانه وتعالى حليم هو الحميد. تفضل. الحميد هو الحميد بذاته واسمائه وصفاته وافعاله لأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا وأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بفضل وعدد الحميد أي المحمود ونادي فعيل بمعنى هنا محمود فعيل مفعول حميد محمود فالله سبحانه وتعالى يستحق جميع المحامد فله الحمد سبحانه وتعالى قال رحمه الله الحي لكذلك هنا المؤلف إلى ستة اسم القيوم فالشيخ سعدي رحمه الله إلى إكسبليكي هنا اسم الحي والقيوم ces deux noms ils sont souvent cités ensemble الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم donc هنا on a deux noms parmi les noms d'Allah عز وجل الحي والقيوم قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى الحي القيوم كامل الحياة كامل الحياة والقائم بنفسه donc الحي c'est celui qui a une vie parfaite فالله سبحانه وتعالى c'est الحي له صفة الحياة bien sûr الكاملة الله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا c'est الأول c'est الآخر Il a toujours existé, Azza wa Jal, et il existera toujours. Et cette vie, elle est parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun défaut, il n'a aucune faiblesse, il n'a aucun manquement. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Wa qala Azza wa Jal, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Al-hayy alladhi la yamut. La vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. C'est al-hayy. Wa al-qayyum qala al-qa'im bi nafsih. سيأتي معنا نطق اسم كي غصم لهذا الاسم القيوم في المعنى اسم الغني الغنى سي لا ريشيس فالله سبحانه وتعالى il a besoin de personne لماذا لانه سي القيوم القائم بنفسه il a besoin de personne اما l'être humain là l'être humain ولو سي لي فيفون فإلى besoin de الله سبحانه وتعالى C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie, qui donne la mort, qui guide, qui donne le risque, les subsistances. Fala chacun, l'être humain, il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fala, l'être humain, il est qualifié de faqir. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-ghani wa antumul fuqara. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-ghani, il a besoin de personne. Wa al-ibad, c'est des fuqara. Wa law su'ubd. Il a une bonne santé, walaw su'abd. Il a de l'argent, walaw su'abd. Il a shay min al-ilm, walaw su'abd. Il est courageux. Ça reste un faqir. يتأمل حال الناس عند المرض والله سبحانه وتعالى سل حي سل قيوم il est capable de tout, il a aucune faiblesse, aucun manquement, il est pas touché par l'oubli, par la maladie. أما الإنسان ولو سيلا de l'argent, ولو سيلا en bonne santé, ولو il a des enfants, ولو il a du courage, ولو si tombe malade, tu le trouves, c'est من أضعف خلق الله. أنه il est obligé في هذا الحال de demander à Allah سبحانه وتعالى la guérison. لماذا؟ لأن الله عز وجل c'est القيوم الغني. وهكذا عند الفقر. Tu trouves بعض الناس ils ont de l'argent. Et بسبب هذا بعض الناس يغترون. Et بعض الناس ils se font tromper par un tel ou un tel. لماذا؟ لأنه il a de l'argent, أنه il fait كذا. Du jour au lendemain, إفلاسٌ. Il est ruiné, عياذا بالله. C'est un faqir. Avec son argent, sa bonne santé, il a akhiri, c'est un faqir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui a donné. Et Allah azza wa jal, il est capable de tout lui reprendre. Amma Allah azza wa jal, c'est le malik. Lahu al-mulk. Mulku al-samawati wal-ard. Azza wa jal. C'est l'aziz. هذا معنى قوله والقائم بنفسه. وسيأتي إن شاء الله من كلام الشيخ سعدي المزيد الفوائد الطيبة في هذا. قال القيوم لأهل السماوات والأرض القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. فالقيوم لأهل السماوات والأرض أي الله سبحانه وتعالى لا besoin de personne لكن أهل السماوات والأرض ils ont besoin d'Allah عز وجل. فلهذا قال القائم بتدبيرهم c'est الله سبحانه وتعالى qui gère tout. وأرزاقهم c'est الله سبحانه وتعالى qui donne. Un tel il a tant de biens, un tel il a un peu moins, un tel il a beaucoup plus. C'est الله سبحانه وتعالى qui donne à qui il veut. وجميع أحوالهم فالحي On revient à اسم الحي الآن. وتأمل وهذا الكلام اللي مهم. فالحي الجامع لصفات الذات والقيوم الجامع لصفات الأفعال. الحقيقة c'est deux noms. Et c'est pour ça qu'ils sont souvent cités ensemble. في القرآن ils sont cités trois fois فيما أذكر. وربما الشيخ عبد الرزاق يعتني بهذا. Il a cité هذا dans son شرح. Ils sont cités trois fois في القرآن. Pour montrer l'importance de comprendre pourquoi ces noms ils sont cités ensemble. Fiqh al-asma al-husna. Qala wa huma isman warada fi al-Qur'an muqtarinin fi thalathati mawadi'. Trois fois. Ces deux noms ils sont cités ensemble trois fois fi al-Qur'an. Fi ayat al-Kursi, Allah la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum wa al-thani fi awwal surat Ali Imran alif lam mim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم والثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. Donc à trois endroits dans trois sourates ces deux noms ils sont cités ensemble. سورة البقرة آية الكرسي le début de آل عمران est في سورة طه. Et ces deux noms كما تقدم في الحقيقة ils englobent toutes les صفات. فالحي قال الشيخ سعدي رحمه الله الجامع لصفات الذات ومعنى هذا الكلام أن الله عز وجل c'est le حي le vivant sa vie elle est parfaite si il est vivant فforcément سبحانه وتعالى il a du علم il a القدرة المطلقة il a القوة il a العزة il a الكبرياء il a سمع وبصر. Et tu cites toutes les sifat dhatiya. Toutes les sifat dhatiya, ism al-hay, il regroupe toutes ces sifat. لماذا? لأن الله عز وجل, il est vivant, et il a toutes les attributs parfaits. قال والقيوم الجامع لصفات الأفعال. لماذا? تقدم معنا قوله رحمه الله القائم بتدبيرهم وأرزاقهم إلى آخره. الله سبحانه وتعالى سلوي كدن والعطاس من صفات الأفعال الله ذو المعطي الله سبحانه وتعالى سالرزاق دونك يرزق من يشاء من صفات الأفعال وكذلك الله يرحم من يشاء toutes les صفات فعلية الغنت في هذا الاسم القيوم فلهذا بعض العلماء قالوا أن اسم الله الأعظم سالحي القيوم ومنهم الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. Il a choisi un الاسم الأعظم, celui qui invoque avec ce nom, Allah lui répond. Il a choisi un هذا الاسم الأعظم, c'est الحي القيوم. لماذا؟ لأن ces deux noms, quand ils sont cités ensemble, الحي القيوم, حقيقة ils englobent toutes les صفات. وتقدم معنا أن الأقرب أن الاسم الأعظم c'est لفظ الجلالة الله. لأن لفظ الجلالة الله كذلك tous les noms reviennent à ce اسم, et toutes les صفات reviennent à ce اسم. قال رحمه الله والقيوم الجامع لصفات الأفعال وجمعهما في غاية المناسبة كما جمعهما الله في عدة مواضع من كتابه كقوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا سيتي هنا آية الكرسي هنا بفق التنبيه وكذلك في لديبي دو سورة Al Imran et Kadalik fait Surat Taha. Donc, à trois endroits, dans trois sourates du Coran, ces deux noms sont cités ensemble. قال وذلك أنهما محتويان على جميع صفات الكمال. Ces deux noms, ils englobent tous les attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal. ولهذا الدعاء بهذين الاسمين من أسباب الاستجابة. Le fait de demander à Allah Azza wa Jal avec ces deux noms, خاصة celui qui connaît Al-Ma'ani, أنه c'est le Hayy. Il a tous les attributs parfaits. As-sifat al-dhatiyya. Et c'est le qayyum. Il a tous les attributs parfaits. As-sifat al-fi'liyya. Donc quand tu demandes à Allah Azza wa Jalla, tu demandes au Hayy, il est vivant. Et il t'entend. Et il te voit. Et il est capable de te donner. Et il sait ce qui est mieux pour toi. Fait, demande-lui avec ces deux noms en te rappelant de ses sens. هذه المعاني العظيمة que Cheikh Sa'di, رحمه الله, il a cité. Abshir. Abshir bi. بالجواب بإذن الله عز وجل تسرع إكزوسي. قال رحمه الله وذلك أنهما محتويان على جميع صفات الكمال فالحي هو كامل الحياة وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم والعزة والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء وغيرها من صفات الذات المقدسة toutes les صفات. Toutes les صفات الذاتية فهذا الاسم العظيم الحي il englobe tous ces attributs. قال والقيوم هو كمال القيومية الذي قام بنفسه وعظمت صفاته. Donc Allah سبحانه وتعالى قائم بنفسه وقائم على غيره. Allah سبحانه وتعالى il a besoin de personne, il se suffit à lui-même. لماذا؟ لأنه il est capable de tout, il possède tout. Et كذلك Allah سبحانه وتعالى قائم على غيره, c'est lui qui s'occupe des autres. Il répond à Fulan, il guide Fulan, il donne à Fulan, il élève Fulan, il rabaisse Fulan, il prend à Fulan. فالله سبحانه وتعالى c'est le قيوم. قال وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته وقامت به الأرض والسماوات وما فيهما من المخلوقات فهو الذي أوجدها وأمدها. نعم. Si tu prends que le fait que c'est Allah qui a tout créé, voilà, je sais que toutes les créatures, ils ont besoin d'Allah. Toutes les créatures, elles faisaient partie du néant. Allah, c'est l'awwal. Allah, il a tout créé. Il a créé le qalam, il a créé l'arche, il a créé les anges, il a créé le djinn, il a créé le paradis, l'enfer, les êtres humains. Il a tout créé. Et ces créatures, avant d'être créées, elles faisaient partie du néant. Donc, ça montre à toutes ces créatures, elles ont besoin d'Allah, Azza wa Jal. قال وما فيها من المخلوقات فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها. سنمتخ أن الإنسان يجب عليه أن يشكر الله عز وجل. أما الكافرين vu que c'est des كافرين vu que la notion de الشكر ils l'ont plus عيدا بالله la reconnaissance فتجد بعض هؤلاء il était rien au départ. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a guidé, il lui a donné. Quand il grandit, il possède certaines choses, iyadun billah, il nie tout. Il nie tout, et le kuffar ils le disent, la yu'minun al-an, kathir minhum, ils ne croient plus en créateur, au din, ila akhir, le jour du jugement, tout ça, ils l'ont oublié, iyadun billah, wa kafaru. Et iyadun billah, yasubboun, ils insultent Allah, ils se moquent, et ils pensent que tout cela, ça vient d'eux. فهؤلاء العذاب الشديد اللي زعتهم لماذا لأن l'être humain la budan yashkur Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala celui qui t'a créé celui qui t'a donné on doit pas oublier هذا ابدا قال فهو الغني عنها من كل وجه وهي التي افتقرت اليه من كل وجه نعم les créatures ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala fuqara Allah huwa al-ghani wa antum al-fuqara et Allah subhanahu wa ta'ala c'est le ghani donc tu vois bien le lien entre ces deux noms ils sont qarib fi al-ma'na al-ghani وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل dans cette risale et Al-Qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ghani, il a besoin de personne, et l'être humain, il est faqir, il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu prends que l'oxygène, لكن أكثر الناس لا لا لا يشكرون. Si tu prends que l'oxygène, هذا الكافر الآن, qui a de l'argent, qui a des enfants, qui a beaucoup de choses, et il pense أنه ça vient de lui, l'oxygène, فقط, si Allah lui coupe l'oxygène, il mout. Au bout de quelques secondes, il mout. Si tu prends que هذه النعمة, et qui c'est qui gère cet oxygène? Tu t'es déjà levé un matin, et tu ne trouves pas d'oxygène? Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère. هذا الشيء qui gère tout. قال والقيوم من له صفة كل كمال وهو الفعال لما يريد الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. Vous avez remarqué, on répète, on a un al-qayyum, c'est lié aux sifat al-fi'liya. Les sifat al-fi'liya, comme on a dit dans le qawaid al-mutla, c'est les sifat qui sont liées à mashiyatullah subhanahu wa ta'ala. Iza sha'a va'alaha, wa iza lam yasha lam yaf'alaha. Falihada qala huna huwa huwa al-fa'al lima yurid. Allah il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que tu trouves du jour au lendemain, Fulan il est guidé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est min rahmatihi, il a voulu guider cette personne. Robama, cette personne, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts. Tu trouves un autre, du jour au lendemain, il est égaré. C'est Allah qui a voulu. Bi'adli. Et Allah, il est juste. Wala yadlimu rabbuka ahada. Qala. Wa kullu sifat al-fi'liya. Wal majl, wal azama, wal jalal. Tarji' ila ismihi al-qayyum. Wa marji'u sifat al-kamal. Kulliha tarji' ila hadhain al-ismain al-karimain. Donc tous les attributs parfaits reviennent à ces deux noms, Al-Hayy ou Al-Qayyum. قال ولذلك ورد الحديث أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لاشتمالهما على جميع الكمالات. وتقدم معنا أن تولى أحاديث و اسم الأعظم إلى السيتي في الحقيقة تتخوف غلظ الجلالة. Tous les hadiths. Et ça montre que l'aqrab, c'est que l'ism al-a'zam, c'est l'al-jalala Allah. Aïnam. Wa shir sa'di rahimahullah, il a un qawl, c'est pas réservé qu'à un ism. Ça peut englober plusieurs noms. Enfin, pour lui, Allah, c'est min al-asma. C'est min al-ism al-a'zam, wa al-hayu al-qayyum kadalik. Et on a lu son kalam au début de ce livre. Et à la kulli hal, et c'est ça le fruit de cette étude. C'est que nous, si on sait, walillahi alhamd, on sait que Allah c'est le Hayy et c'est le Qayyum, ça va changer beaucoup de choses. Allah il est vivant. Donc il te voit, il t'entend, il sait ce que tu fais, il te jugera. Il y en a celui qui est vivant, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le vivant, et on a dit la sifat al-kamal, que ce soit dhatiya ou vi'liya. On a étudié ensemble beaucoup de ces sifats. Enfin, nous, ça doit nous faire réfléchir. Il est vivant. Donc, il nous voit. Il nous entend. Il nous jugera. Donc, ça doit changer notre comportement. Hatta ce qu'on pense. On ne pense pas ce qu'on veut. On ne dit pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne va pas où qu'on veut. On ne prend pas ce qu'on veut. On ne rejette pas ce qu'on veut. Abadan. Allah, c'est le Hayy, c'est le Qayyum. Et كذلك, en tant qu'être humain, on sait que Allah, c'est le Qayyum. Et c'est lui qui nous a donné, facilité, guidé. On doit l'adorer, لأنه c'est le Hayy, et on doit être reconnaissant. Et la reconnaissance, c'est une ibadah. لماذا لأنه c'est le Qayyum. Mais c'est ça le fruit de ces deux noms. Celui qui a compris ces deux noms, il va faire beaucoup d'efforts. Il va faire des efforts في فعل الطاعات pour adorer Allah عز وجل. لماذا لأنه c'est le Hayy, c'est le Qayyum. Et كذلك, il va faire des efforts pour s'écarter des ma'asi. لماذا لأن الله c'est le Hayy, il le voit. Même quand il est seul, même quand il se cache, même quand il essaye de ne pas montrer, Allah il sait ce qu'il fait, c'est ce qu'il pense cet être humain. Et كذلك c'est le Qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a tout donné, fait celui qui fait un péché, il y a un manque de reconnaissance. On a tous des faiblesses. Lakin, ça doit nous entraîner à nous écarter des péchés. Si on faiblit et on a fait un péché, on glisse, on se rappelle en Allah, c'est le Qayyum. Et ça doit nous pousser à regretter et à faire tawba. Et en Allah, c'est tawwab. Et كذلك Allah, c'est le Halim. En expliquant ces deux noms, Al-Hayy ou Al-Qayyum, tu peux citer l'explication de tous les noms qu'on a vus auparavant. Et tu peux citer l'explication de tous les noms qui viendront. Il y en a ces deux noms, ils englobent toutes les sifat. Et là, chaque que les sifat, مثلا Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne, tu auras un nom. Allah, c'est lui qui donne le risque. Pourquoi? Parce que c'est Razzaq. Là, chaque que ça va englober beaucoup de choses qu'on a vues auparavant. Et on répète, à chaque nom, il englobe forcément une sifa ou plus, un attribut parfait. Les attributs, tu ne peux pas forcément déduire un nom à partir d'un attribut. Et tout ça, walillahi alhamd, taqaddama ana fil qawaid al-mutla. Qala l'ishtimalihima ala jami' al-kamalat fa sifatu al-dhat tarji' ila al-hay wa ma'ani al-af'al tarji' ila al-qayyum. هذا كلام جميل ابن القيم رحمه الله له كلام كثير par rapport à ces deux noms que ce soit في زاد المعاد أو في طريق الهجرتين و d'autres مصادر فنقرأ ما تيسر من طريق الهجرتين وقبل ذلك من مدارج السالكين قال رحمه الله القيوم فهو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد وقام كل شيء به فكل ما سواه محتاج إليه بالذات هذا ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله فهو الذي قام بنفسه لا besoin de personne له الملك عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى الله سبحانه وتعالى il est parfait sa vie elle est parfaite son ذات il est parfait ses noms ils sont parfaits ses attributs sont parfaits il a besoin de personne قال وقام كل شيء به et toutes les créatures فقاموا بإذن الله عز وجل c'est Allah qui les a créés c'est Allah qui les a guidés il leur a donné il les a élevés إلى آخره فلهذا قال فكل ما سواه محتاج إليه et ça nous montre أن هذا الجانب il est مهم que ce soit في العبادة ou autre أننا on est des فقراء لا تغتر بعلمك أو بقوتك أو بذكائك أو بأولادك أو بمالك on fait attention de ne pas être trompé par ces choses بعض الناس مثلا ils ont du علم et ils prennent les autres de haut et dans leur cœur شيء من الكبر يدخل كأنهم هذا العلم ça vient d'eux ils ne le perdront jamais ربما si tu prends de haut les autres ou tu te moques ربما الله سبحانه وتعالى il t'enlève هذا العلم Et il le donne à un autre, il est capable de tout, Azza wa Jal. Alors, celui qui pense à هذه المعاني, voir du tawadu. Si tu as du ilm, c'est min Allah. Tu dis Alhamdulillah, tu essaies de faciliter les autres. Si tu as de l'argent, ne te moque pas des pauvres. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné. Tu as choisi toi, il aurait pu donner à l'autre, et Allah, il a une hikmah. Et ربما Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à wahid, et il lui reprend. Combien de riches ils ont été ruinés. Alors, celui qui réfléchit, qui médite sur le sens de ces noms, enfin. Il va s'éloigner de beaucoup de péchés. Il va s'éloigner de beaucoup de mauvais comportements. قال وهو قائم هذا من طريق الهجرتين un autre livre وهو قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت فهو تعالى القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه نعم الله سبحانه وتعالى il récompensera celui qui a fait du bien et ربما si il veut il châtiera celui qui a fait du mal قال ولكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام c'est pour ça que في آية الكرسي قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم dans le même verset قال لا تأخذه سنة ولا نوم ثم à la fin du verset قال وهو العلي العظيم فتأمل هذا لا تأخذه سنة ولا نوم لماذا لأنه سي القيوم القيوم سي القائم على غيره الله سبحانه وتعالى يدخل بل حتى السنة سمقدمة النوم quand l'insan, au début, quand il commence à s'endormir, commence à fermer les yeux, à faiblir, Allah subhanahu wa ta'ala, la hadha wa la noum, dormir profondément, mais bab awla, Allah subhanahu wa ta'ala, munazza an dhalik. Limadha li anna Allah qa'imun ala ghayrih. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout le monde, il entend tout le monde, il donne, il guide, il élève. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dort pas. Et il n'a pas besoin de dormir. Celui qui a besoin de dormir, c'est qu'il a des faiblesses. C'est pour ça que l'être humain, il a besoin de dormir. Ben, si l'être humain ne dort pas, c'est un problème. C'est un manque. Fi haqq al-adami. Qala, yakhfidh al-qist wa yarfa'u wa yurfa' ilayhi 'amalu al-layl qabla an-nahar wa 'amalu an-nahar qabla al-layl. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qayyum. Les œuvres des êtres humains de la journée, elles sont élevées indallah. Les œuvres de la nuit, elles sont élevées indallah. Allah subhanahu wa ta'ala yarham hadha wa yahdi hadha. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qa'im 'ala al-jami'. Qala la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa la yadhillu wa la yansa. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le haq, 'azza wa jalla, comme taqaddam ma'ana, wa la yansa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas. Il y en a celui qui oublie, il ne pourra pas gérer cet univers. Abadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il gère cet univers, fait il n'oublie rien. فلهذا لو نتأمل في مخلوقات الله عز وجل. Et on a déjà cité cet exemple كثيرا. Est-ce que le soleil, un jour, من الأيام, il ne s'est déjà pas levé? Abadan. L'être humain, quand il gère une chose, il oublie. Et tu le vois, هذا عند ceux qui ont une entreprise, مثلا. Un jour il vient à l'heure, un jour il vient par l'heure, un jour il doit donner à un telle chose, Thomas il oublie, il a arrêté, ça c'est l'être humain. Mais Allah Azza wa Jal, le soleil se lève d'aïman, il se couche, la lune, hakada, la nuit, le jour, et alhamdulillah. Kadhalik, tu vois le makhloukat, les animaux, ils mangent, ils boivent, les êtres humains, kadhalik, fa nahmadullahi subhanahu wa ta'ala. Qala, فهو القيوم القائم بتدبير عباده فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه. Vous avez vu l'un avec هذا الكلام الجميل de l'imam al-Qayyim رحمه الله. Il cite beaucoup de صفات. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qayyum. فلا خلق ولا رزق. Tous ceux qui sont créés, tous ceux qui reçoivent leur subsistance, tous ceux qui reçoivent des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur reprend des choses. Kadhalik, la vie, la mort, tout ça, c'est bi tadbir illahi azza wa jalla. C'est le qayyum. Si tu prends par jour combien de gens ils naissent et combien de gens ils meurent. Allah alam kam, des milliers. Dans chaque pays, des naissances, des morts. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout. قال وكل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère. Prends l'exemple de la mort. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé Malak al-Maut. L'ange de la mort, il est créé. Et l'ange de la mort, quand il doit aller récupérer l'âme d'un tel, reprendre l'âme de Foulain, c'est bi-idnillahi azza wa jalla. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ordonne. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. هذان الاسمان, ces deux noms, ils renferment beaucoup de sens. Et Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala, هنا, il a fait un résumé طيب. فالحي, il englobe tous les attributs parfaits d'Allah عز وجل. الصفات الذاتية والقيوم, il renferme tous les attributs d'Allah عز وجل. الصفات الفعلية. Et la dernière parole qu'on a lue d'Ibn al-Qayyum rahimahullah, min shifa al-alil. On a lu trois paroles, la première min madarij al-salikin, la deuxième min tariq al-hijratain, et la troisième min shifa al-alil. Thumma qala rahimahullah al-hayy. Ne pas confondre al-hayy et al-hayy avec deux ya. Pas confondre. Le premier hayy a un ya. Min sifat al-hayat, la vie. Le deuxième al-hayy, on fait volontairement, on prononce la haraka à la fin pour bien distinguer les deux ya, c'est min al-haya. Al-haya, avec un hamza à la fin, mal-hayat, avec un tamrbouta. Enfin, al-hay, c'est min al-hayat, la vie, donc Allah c'est le vivant, ou al-hayyu, ça vient de al-haya. Al-haya, c'est la pudeur. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, hayyun. Hayyun, tu appuies bien pour les deux ya. Et hayyun. عز وجل. فهنا vu que المؤلف, celui qui a rassemblé les paroles de Cheikh Sa'di رحمه الله عليه, il a cité les noms dans l'ordre alphabétique. Enfin, après avoir cité le hay, il a cité هذا الاسم. نعم لأن c'est le même début. كذلك il a cité deux autres اسم الستير بكسرة السين والستار بفتح السين. Et il y a un autre اسم كذلك الساتر بمد السين. Donc tu as trois noms الستير والستار والساتر. Tous ces noms لا يثبت منها شيء إلا اسم الستير. اسم الستير يا أن دليل. أما الساتر والستار يا pas de دليل. أما الشيخ سعدي رحمة الله عليه إلى cité الستار. نعم. On verra dans son kalam في الشرح est-ce qu'il l'a cité ou il l'a fait. Le مؤلف l'a mis entre parenthèses. فأورد الشيخ رحمه الله الستار من أسماء الله. نعم فالشيخ سعدي لا سيته. قال ولم يرد دليل يدل على ثبوته لله خلافا لما هو الشائع عند كثير من الناس. وهكذا الساتر. الشيخ الألباني رحمة الله عليه لنا كلام عن هذا قال كما في جامع تراث الألباني في العقيدة. C'est plusieurs livres, ils ont regroupé toutes les paroles de الشيخ الألباني concernant العقيدة, la croyance. فقال في هذا الكتاب لا يوجد في أسماء الله تعالى إلا الستير. Le premier, il est ثابت. Et on lira الدليل ensemble, inshallah. قال إلا الستير. أما الساتر فلم يرد في أسماء الله. الساتر, il n'y a aucun دليل. بقي الستار, que الشيخ سعدي لا ستير. قال رحمه الله, أي الإمام الألباني, أما الستار فلم يرد في أسمائه تعالى. بقي الحي والستير الدليل. قال في الحاشية قال صلى الله عليه وسلم إن الله حليم حي ستير. Donc tu as trois اسم, الحليم والحي والستير. C'est trois noms. On a un دليل هنا et d'autres أدلة pour الحليم. قال يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. الشيخ الألباني إلى الصحح هذا الحديث. On revient au kalam de Sheikh Saadi rahimahullah. Donc on va lire l'explication de Al-Hayyu wa Al-Sittir. Et في الحقيقة Al-Satir wa Al-Sattar, c'est la même معنى que Al-Sittir. Si اسم Al-Sittir il est ثابت, on comprend la معنى, يغني عن ما ذكر من الأسماء الضعيفة. قال رحمه الله هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي يستحي من عبده إذا مد يده إليه أن يردهما صفرا. الله سبحانه وتعالى يستحي quand son عبد, quand un serviteur il lève ses mains et il fait dua. تستفيد من هذا أن le fait de lever les mains في dua c'est مشروع. Et c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala y réponde. Le fait de lever les mains fait du'a. Sauf si on a un délil, un l'insan fait du'a et il ne lève pas les mains, c'est chez un akhar. Dans beaucoup de moments, la sunna c'est de lever les mains. Mazalan fait sujoud, quand on fait sujoud, on fait du'a, on ne lève pas les mains, on est fait sujoud. Naam, wa illa va un du'a mutlaq, si ce n'est pas muqayyad bi shay, l'asl c'est de lever les mains. الدليل مثل هذا الحديث. فالله سبحانه وتعالى العبد quand il lève ses mains يستحي أن يردهما صفرا. صفرا c'est zéro, et de ne pas lui répondre. فالله سبحانه وتعالى يستحي من ذلك. هذا c'est une bouchra في الحقيقة. ça nous montre que quand tu fais du'a أخي الكريم, ne désespère pas, ne te précipite pas. كما جاء في الحديث أن بعض الناس يقولون دعوت فلم يستجب لي. هذا مصيبة. بعض الناس سبقسيب يدي جانفوك يا الله يمو ريبون با. أولا من قال لك كي تابا ريبوند. ثانيا بوركوا تي تبريسيبيت. الله سبحانه وتعالى سي الحكيم سي العليم. أنت فقط عليك الدعاء. ثالثا لو فيت كو تو فاس دعاء سون ريغاردي لا ريبونس اسكو الله تا اكزوسي ام لا تو ريكومبونسي عند الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فلو فات دو فير دعاء في عباده. فقط سي يكون ريكومبونس في الدعاء نورمالمون لا با سو بلاندر يا سو بريسيبيتي. دوموند يوم القيامه tu seras récompensé. وكذلك on a un hadith qui est sahih, أن النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أن الداعي quand il va à الدعاء il a إحدى ثلاث, une parmi trois choses. إما الله سبحانه وتعالى lui répond, إما الله سبحانه وتعالى il repousse un mal qui devait les toucher, إما الله سبحانه وتعالى lui donnera يوم القيامة. فلماذا se précipiter et dire مثل هذا الكلام؟ هذا الكلام c'est grave. C'est grave, probablement l'insane qui dit ça et qui se plaint, qui désespère, probablement Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui exauce pas, il ne le récompense pas. Mais celui qui a husn dhan billah, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hayy al qayyum, comme on a dit. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, halimun, karimun. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al hayyu, yastahi. Yastahi de ne pas répondre à son serviteur, il ne dira jamais mitl hadha al kalam. Lakin l'être humain, il a été créé hakada, ajoul. Il se précipite da'iman. Il se précipite quand c'est pour lui. Amma quand c'est pour les autres, c'est le contraire. Hakadha, la plupart des êtres humains, ils sont. Qala, wa hadha min rahmatihi wa karamihi. Al-an, on est dans les deux ismes. On est plutôt dans le premier. Al-hayyu, na'am. Wa hadha min rahmatihi wa karamihi wa kamalihi wa hilmih. Anna al-abd yujahir bil ma'asi. Ma'a faqrihi al-shadid ilayh. Hatta annahu la yumkinuhu an... أن يعصى إلا أن يتقوى كانه أن يعصي أن يعصي أي العبد إلا أن يتقوى عليها بنعم ربه نعم كأنه أن يعصي أما هنا هنا ألف مطوية فهذا فيه نظر قال أن يعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم ربه والرب مع كمال غنى عن الخلق كلهم من كرمه يستحي من هتكه وفضيحته. هنا انتبهوا انه il explique les deux noms Cheikh Saadi. Al-Hayyu wa As-Sittir. As-Sittir sayati ma'ana wa dhakara huna shay min al-ma'ani. Ça vient de As-Sitr. On dit As-Sitar. C'est ce qui couvre le visage de la femme. As-Sitr c'est recouvrir une chose. Cacher une chose, ne pas dévoiler une chose. فالله سبحانه وتعالى صعب الله سبحانه وتعالى لا pas besoin de cette créature et c'est Allah qui lui a tout donné et صعب ربما avec ce que Allah lui a donné il va désobéir مع هذا الله سبحانه وتعالى لا يفضحه. Si cet être humain il laisse ce péché entre lui et Allah سبحانه وتعالى, Allah سبحانه وتعالى il le dévoilera jamais. Bel c'est une cause pour que Allah lui pardonne يوم القيامة. C'est pour ça que قال هذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه. Vous avez vu encore une fois le lien de ce nom, et ça arrive souvent entre les noms, il y a un lien في المعاني, dans le sens أن الحليم والرحيم c'est lié في من حيث المعنى avec هذا الاسم أي الستير. قال والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحي من هتكه هتكو الستر أو الستار c'est le fait de dévoiler, d'enlever ce voile pour que هذا الإنسان il soit dévoilé. قال وفضيحته وإحلال العقوبة به فيستره بما يفيد له من أسباب الستر ويعفو عنه ويغفر له. Ça c'est من كرم الله عز وجل أن الإنسان يستفيد من فائدة عظيمة. الشيخ سعدي لعله يبقى على السنتي أن الإنسان لا يفضح نفسه. بعض الناس عيدا بالله الله سبحانه وتعالى il les a préservés أي en ne pas dévoilant ce qu'ils ont fait et ils dévoilent eux-mêmes ce qu'ils ont fait عيدا بالله pour aucune raison. بل بعضهم c'est pour se vanter. Ça c'est une cause que Allah سبحانه وتعالى il pardonne pas à هؤلاء. Et parmi les causes que Allah il pardonne c'est que l'insan il regrette et si Allah سبحانه وتعالى ce péché entre lui et Allah عز وجل ولا أحد يعلم fait tawba, il n'a pas besoin d'en parler aux autres, khas satan, min bab, pour se vanter et pour se montrer. Qala, fahuwa yatahabbab ila ibadihi bin ni'am, wahum yatabaghadhuna ilayhi bil ma'asi. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne aux ibad. Et normalement, ça doit être une cause pour qu'on aime Allah azza wa jal, wahum yatabaghadhuna ilayhi bil ma'asi. Et beaucoup d'êtres humains en réponse, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des péchés. Il prend l'exemple des kuffars, les mala'in. Qala, khayruhu ilayhim bi'adad al-lahadat, wa sharruhum ilayhi sa'id. Khayruhu, ay khayrullah. que ce soit la pluie, que ce soit la nourriture, que ce soit les boissons, que ce soit la bonne santé, que ce soit la guidée, que ce soit les savants, que ce soit les messagers, que ce soit les livres. Tout ça c'est min Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui a voulu, c'est Allah qui a créé ces choses pour l'ibad. قال بعدد اللحظات اي à chaque instant Allah subhanahu wa ta'ala il fait descendre al khayr et des ni'am et du rizq et il guide un tel et il pardonne à un tel. قال وشرهم اليه صاعد l'être humain, beaucoup d'êtres humains, au lieu de répondre, d'être reconnaissant par rapport à tous ces bienfaits, ben leur réponse c'est quoi? C'est char. Hada il ment, hada il insulte, hada il ne croit plus, hada il s'égare, hada il combat le Coran et la Sunna, hada il se moque de la religion. Iyadam billah. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a qualifié l'être humain de kafour. Wa kana l'insan kafoura. Beaucoup d'êtres humains ils ont hada le wasf, iyadam billah. Et au lieu d'être reconnaissant, il répond par les bienfaits avec billah, le rejet. Bardoum il demande, bardoum il se vante, bardoum billah il se moque. Qala wa la yazal al maliku al karim yas'ud ilayh minhum. Naam. Wa la yazal al maliku al karim yas'ud ilayh minhum bil ma'asi. Naam, kanahu hakadha. Qala wa kullu qabih wa yastahi ta'ala mimman shaba fil islam an yu'adhibah wa mimman yamuddu yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra wa yad'u 'ibadahu ila du'a'ihi wa yu'iduhum bil ijaba. Malgré que l'être humain avec toutes ses faiblesses et son entêtement et son orgueil, beaucoup d'êtres humains ils sont comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala ma'a hadha il lui donne et il a révélé hadha al-Qur'an al-Azim au prophète alayhi salatu wa salam pour qu'on demande à Allah azza wa jalla, et celui qui demande Allah il lui efface tout, il lui pardonne. قال وهو الحي الستير يحب اهل الحياء والستر. الله سبحانه وتعالى سي الحي سي الستير et il aime les êtres humains, les serviteurs qui ont ces deux qualités, الحياء la pudeur et الستر انهم الستر هنا ça englobe deux choses, الستر par rapport à leur corps. Ils ne se dévoilent pas, ils ne se dénudent pas devant tout le monde. Et كذلك الستر par rapport au ma'asi. Ils ne dévoilent pas leurs péchés. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, il aime al-haya, la pudeur, et كذلك il aime al-sitr. Qala wa man satara musliman satara Allah alayhi fi dunya. Et ça c'est le fruit. Le fruit. Athar ou athar hadha al-ism al-azim ou hadhain al-ismain. On peut citer parmi ces athars, hada. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala yuhib al-haya wa yuhib al-sitr, fa nahnu kadalik. Si ton frère, il a fait un péché, il a fait une chose de mauvaise, et il n'y a aucune raison de le dévoiler, de le dire aux autres, il y a une raison. Lakin, quand il n'y a aucune raison, le mal il est contre lui et son nefs, tu n'as pas besoin de le dévoiler. بل جاء في الحديث الى سته من partie هنا من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره. Celui qui ne dévoile pas son frère, mais il le cache, ça veut pas dire qu'on se tait. Là, tu le conseilles, tu lui montres et tu n'as pas besoin de prévenir, d'alerter tout le monde, ayadam billah. On vit à une époque الان ان بعض المجرمين ربما واحد في quelque chose de mauvais. Et ils le prennent en photo ou ils divulguent tout cela sur les réseaux sociaux. Et Obama, ça fait beaucoup de mal à cette personne. Plus l'insan il s'éloigne du din, plus son cœur il a un manque de rahmah. Quand il parle de respect, de tolérance, de miséricorde, il pense qu'à leur poche et à leur ventre. Mais celui vraiment qui veut le khir pour les autres et il adore la rahma, c'est celui qui connaît les noms d'Allah, qui connaît sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît le Coran, qui met en application. فَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلِهَذَا يَكْرَهُ. Et Allah Azza wa Jalla déteste مِنْ عَبْدِهِ إِذَا فَعَلَ مَعْصِيَةً أَنْ يُذِيعَهَا. يُذِيعَهَا est le fait de la propager. On revient à notre époque. Les réseaux sociaux, l'an, بعضهم, ils font des masa'ib fil-layl. Ils font des choses très très graves la nuit et ils propagent hada dans les réseaux sociaux fil-nahar, la journée. Et ba'dhum fi an-nahar, il propage la nuit. Ayyadan billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste hada. Qala bal yatub ilayhi fi ma baynahu wa baynahu wa la yudhhir hada lin-nas. Et ça, en fait, c'est une rahma. Et on doit en profiter. On a des faiblesses, on fait certaines choses. Lakin akhi al-karim, vu que c'est un péché, normalement tu ne dois pas le faire. Si tu l'as fait, ben, tu dois regretter, tu dois détester cette chose. Comment le raconter aux autres? Et là, dans certains cas, et encore, même dans certains cas, c'est ma'rouf. Tu as fait quelque chose de mauvais, un péché, et tu veux poser ta question par rapport à cette chose. Tu n'es pas obligé de dire que c'est toi. Là, comme il y en a, ils posent des questions aux savants et ils disent, ya Cheikh Mara, yo, quelqu'un a fait telle chose. Ça, c'est min al-hikma. Tu n'es pas obligé de dire, j'ai fait là. Ya Cheikh, matalan, ma hukm. C'est quoi le jugement d'une personne qui a fait telle chose? Le Cheikh, il n'a pas besoin de savoir que c'est toi ou un autre. Il te répondra. Et un tatasta vide. Ahiyana na'am, il n'y a pas le choix. Certains sujets, tu dois citer que c'est toi qui a fait ou un tel qui a fait. Ah là, c'est autre chose. Là, on parle. Yadam Bela, il n'y a aucune raison. Bel, c'est pour se vanter, pour se montrer. Ah là, c'est très très grave. Qala wa inna min anqatin nas ilayhi man bata asiyan wallahu yasturuhu fa yasbih yakshif sitra Allah alayhi. Ça, c'est min anqatin nas, ay abghadin nas. Parmi les personnes les plus détestées auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est ceux qui font des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala satarahum. Et ils n'ont pas été dévoilés, ils ont été cachés, si on peut employer ce terme. Et eux-mêmes, ils se dévoilent. Ayyadan billah. Qal fil hashiya, hada bima'na ma akhrajahu muslim fi sahihi, kitab az-zuhd. باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمة معافى إلا المجاهرين. الحديث اللي في صحيح مسلم. كل أمة معافى أساس بشرى للمؤمن. تتبع أمة الله سبحانه وتعالى اللي هو بغدنها. لماذا؟ لأن الله سي العفو سي الغفور. Tous ces noms بإذن الله on les verra ensemble في هذه الرسالة. فكل أمة معافى الله يبعدنها على كوميونيتي دو بروفيت صلى الله عليه وسلم إلا المجاهرين. المجاهرين سبب المجاهرة الجهر. quand on dit la lecture, est-ce que c'est بالجهر أي à voix haute. فالمجاهرين هنا c'est ceux qui montrent leur péché, ils se vantent. عيادا بالله هؤلاء الله il leur pardonnera pas. قال وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه كما قال الشيخ سعدي. أي الله سبحانه وتعالى إنه لا pas dévoilé ce péché sans entre lui Allah. Et Allah سبحانه وتعالى c'est le غفور. Si ce abdi demande pardon, Allah il lui pardonne. Et هو cet être humain il raconte aux autres en se vantant, بعضهم c'est en plaisantant. قال رحمه الله وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وهذا كله من معنى اسمه الحليم الذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان. Vous avez remarqué le lien entre معنى هذا الاسم العظيم الحي والستير avec اسم الحليم. Allah subhanahu wa ta'ala, si cet être humain il ne dévoile pas son péché, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le halim, la yu'adil bil'uquba, il va lui laisser du temps. Rubama hadal insan, il n'a pas dévoilé son péché aux autres, fayatoub ila Allah, il demande pardon, et alhamdulillah, ça reste baynahu wa bayna rabbi azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, alhamdulillah. Amma hadha, il se montre, hadha, il parle, c'est grave. Akthar al-nas yahlakoun iyadun billah, à cause de leur langue. La plupart des gens qui s'égarent et qui mènent leur propre nefs, leur propre âme à leur perte, c'est à cause de leur langue. Il a fait un péché et il le raconte. Il le raconte pour se montrer, pour se vanter, c'est la langue. Et kadhalika, à notre époque, les doigts avec le clavier. À notre époque, les doigts avec le clavier, c'est un shar mitla al-lisan. Naam, بعض الناس, ils ressentent le besoin de se montrer, d'écrire, de parler. Aoulas de farag. Celui qui ressent le besoin de parler, il a akhri, il est mal, il ne s'est pas fatigué fil ilm. Fatigue-toi fil ilm, min as-sabah. avec des dourous, avec du hiv, كذلك celui qui est مشغoul avec un travail fil halal, tu verras que tu n'as pas le temps. Même ceux qui t'envoient un message, c'est pas un message futile, quelque chose de tayyib, tu n'as pas le temps de répondre. Ça vous montre, il y a ceux qui écrivent beaucoup sur les réseaux sociaux, ils racontent leur vie, ils se prennent en photo, ils mangent quelque chose, ils prennent en photo, toute la terre le sait, c'est qu'ils ont du farag. Wallahi, celui qui a la ilm, qui est occupé, qui a des enfants, qui a une famille, qui a une da'wa, il a pas le temps de hal. Il a pas le temps, il a des choses à faire. S'il propage, c'est pour faire profiter aux autres. قال رحمه الله والعصيان ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلا فهو يمهلهم ليتوبوا ولا يهملهم إذا أصروا واستمروا في طغيانهم ولم ينيبوا. C'est exactement le kalam qu'on a étudié ensemble auparavant عند اسم نعم الحليم. Donc on a étudié ensemble aujourd'hui quatre noms. الحي القيوم. Ces deux noms, ils renferment tous les attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal, que ce soit les attributs sifat dafiya ou fi'liya. Thumma, on avait un troisième nom, al-hayyu, min sifat al-haya, et un quatrième nom, al-sittir. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, al-tawfiq wa al-sadat. Naktafi bi hadha.